Quand ma maman reviendra, c'est mon papa qui sera content. Quand elle reviendra, maman, qui c'est qui sera content? C'est moi. Elle reviendra comme chaque fois, à cheval sur un chagrin d'amour. Et pour mieux fêter son retour, toute la sainte famille sera là. Et elle me rechantera les chansons que j'aimais tellement. On a tellement besoin de chansons quand il paraît qu'on a 20 ans. Quand mon frère y reviendra, c'est mon papa qui sera content. Quand il reviendra, le Fernand, qui c'est qui sera content? C'est moi. Il reviendra de sa prison, toujours à cheval sur ses principes. Il reviendra et toute l'équipe l'accueillera sur le perron. Et il me racontera les histoires que j'aimais tellement. On a tellement besoin d'histoires quand il paraît qu'on a 20 ans. Quand ma sœur, elle reviendra, c'est mon papa qui sera content. Quand reviendra la fille de maman, qui c'est qui sera content? C'est moi. Elle reviendra de Paris sur le cheval d'un prince charmant. Elle reviendra et toute la famille l'accueillera en pleurant. Et elle me redonnera son sourire que j'aimais tellement. On a tellement besoin de sourire quand il paraît qu'on a 20 ans. Quand mon papa reviendra, c'est mon papa qui sera content. Quand il reviendra en gueulant, qui c'est qui sera content? C'est moi. Il reviendra du bistrot du coin, à cheval sur une idée noire. Il reviendra que quand il sera noir, que quand il en aura besoin. Et il me redonnera des soucis que j'aime pas tellement, mais il paraît qu'ils font des soucis quand il paraît qu'on a 20 ans. Si ma maman revenait, qu'est-ce qui serait content, papa? Si ma maman revenait, qui c'est qui serait content? C'est moi.